Je suis cette brève mélancolie que tu rencontres lors d'un instant d'euphorie passionnée ou d'un bad trip. Lorsque je rate le paroxysme de ta folie, c'est que j'aurai gagné et donc que je serai mourant. On m'a dit que l'adolescence était les meilleurs moments de ma vie, mais je la vis dans la dépression, la drogue et la misère sexuelle, financière. Toujours le rôle de l'incompris que j'ai inconsciemment choisi. Ma vie au milieu des misérables, non entendu, c'est regrettable. Qui critique réellement au préalable, mon esprit critique à moi devient pas narrable. Alors du haut de ma perche, je regarde les moutons s'entasser, les couples s'enlacer, je n'avais pas assez de passer. C'est pour ça que contre une douche, j'échangerai même mes lacets. Tous vendus comme certaines as sans les tasser. Mais passons. Coloration, t'as l'un des Dorado. Au Colorado, pas de différence, pas de couleur. Et pourtant, j'ai toute la Colorado. C'est moi ton gars collant. Pas trop cool, même si un peu lent, qui passe son temps en gueulant. Est-ce que je serais avec ces gosses si je n'avais pas de Hop Studio? Eh hey mec, on n'y peut rien. Si je fais toi skier, c'est pas pour rien. Les gens n'aiment pas ce qui est pas dans. Alors je pars au tir en essayant d'être cohérent. Eh hey mec, on n'y peut rien. Si je fais toi skier, c'est pas pour rien. Les gens n'aiment pas. Alors Quick, t'es pas chez toi? Qu'est-ce que tu fous là sur ce banc? Mais avant tout, quoi de neuf? Bah écoute, je sais pas vraiment, je crois que j'attends ma meuf. Mais j'ai plus de nouvelles depuis un moment, peut-être que je suis veuf. J'ai même pensé à appeler les keufs avant de réaliser que c'était du bœuf. Alors je fais mon bœuf en essayant de faire du bif, en sandwich comme un beefsteak dans une maison high-tech. J'ai prise sur le vif, je fume des spliffs en écoutant de la hard-tech. La peau écorchée à vif, faut dire que mon style n'est pas impec. Et que l'amour c'est comme une bonne basse dont les coups sont toujours vifs. On dit que ce sont les femmes qui se font baiser, alors moi, pourquoi des types comme moi se font plaquer? Ces chiennes nous rappellent le passé pour qu'on ait pitié, mais on se fait mater pour qu'on oublie qu'elles sont plusieurs fois maquées. Se fait cacher sous ses rêves de mariée. Là-bas en haut, ils s'envoient des putes et des danseuses. À gogo, la drogue, c'est cadeau. Alors qu'ils nous l'interdisent et on galère pour investir dans un 100 euros avec le bénéfice qui fait notre pauvre conso perso. Et que mon ex aille crever, pas d'une mort belle si elle m'en veut. Parce que j'étais chez elle, je me défonçais presque tous les jours. Je n'aurais pas réagi pareil si j'avais eu une assistante photographe à qui faire l'amour. Eh hey mec, on ne peut rien. Si je fais du rap, ce qui est, c'est pas pour rien. Les gens n'aiment pas ce qui est badant. Alors je pars au tir en essayant d'être cohérent. Eh hey mec, on n'y peut rien. Si je fais du rap, ce qui est, c'est pas pour rien. Les gens n'aiment pas ce qui est badant. Alors je pars au tir en essayant d'être cohérent. Elle t'aurait pas des propos un peu macho là? Mais regarde, à croire qu'avec du fric on a pas besoin d'autorisation pour les mettre en friche fichtre. Je dis que j'aime pour rien et pourtant je le fais bien. J'ai pas de roro, pas de moto, pas de voiture pour pas vanner dans le ghetto. Elles ont pas confiance, je les emmène en teuf. Mais dans une boîte j'irai par des mafieux, non plus froid aux yeux, ni à schneck d'ailleurs. C'est moi le petit blanc qui n'est pas l'exotisme d'ailleurs. Y'a que la peu qui aphrodisiaque, alors pour qu'elle craque il faut être dealer. Elles n'aiment pas qu'on s'attache, elles aiment qu'on attaque. Même si ça haine s'attache, ça gâche ma vie. Ne me donne plus de nouvelles salopes, j'en ai plus envie. Pour t'oublier, je vais aller me percher sous champi. Tous ensemble dans un champ, on fait pas le tri, on prend plein de petits. Je veux vivre comme un clochard, qu'on me laisse tranquille. Je marche seul, parce que ma copine me fait la gueule. Mes potes sont perchés, mes parents m'en veulent. Alors j'avance sans permission, sans permis, parmi les corps déchirés. Je baisse ma solitude à coups de couteau. Y'a qu'elle qui est restée, qui ne m'a pas tourné le dos. Les gens n'aiment pas ce qui est pas dedans. Alors je me parodie en essayant d'être cohérent. Eh hey mec, on n'y peut rien. Si je fais du rap psyché, c'est pas pour rien. Les gens n'aiment pas ce qui est pas dedans. Alors je me parodie en essayant d'être cohérent. Eh mec, on n'y peut rien. Si je fais du rap psyché, c'est pas pour rien. Les gens n'aiment pas ce qui est pas dedans. Alors je me parodie en essayant d'être cohérent. Eh mec, on n'y peut rien. Si je fais du rap psyché, c'est pas pour rien. Les gens n'aiment pas ce qui est pas dedans. Alors je me parodie en essayant d'être cohérent. Eh mec, on y peut. Eh mec, si je fais du rap psyché, c'est pas pour rien. Les gens n'aiment pas ce qui est pas dedans. Alors je me parodie en essayant d'être cohérent.